إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Donc, بإذن الله تعالى وبعون الله عز وجل nous continuons cette série L'ornement précieux des époux vertueux. On est toujours au chapitre de l'éducation des enfants, qui est un chapitre très important pour les pères et pour les mères, et qui, à travers ces cours, vont pouvoir avoir des directives qui sont très importantes prises du livre d'Allah Azzawajal et de la sunna du prophète sallam, également des actes de nos pieux prédécesseurs. On devait parler la dernière fois des attributs que l'on devait s'écarter, ou des attributs qui peuvent être présents chez l'enfant, soit donc écarter ces attributs des enfants à des sifat, ou alors dès le départ bien entendu préserver l'enfant de ces attributs. On en avait cité plusieurs. Et parmi également ce qui est néfaste pour l'enfant, ce qui est très néfaste pour l'enfant, c'est de faire naître en lui al-hasad, al-ghayra, al-iqt, inam. Al-hasad, al-ghayra, wal-iqt. Wal-imada. Bien sûr, al-hasad, wal-ghayra, qui sont bien entendu la jalousie, la rancune, qui va naître dans le cœur de l'enfant. Et ça, c'est un point très important au niveau de l'éducation. Le père et la mère doivent être très attentifs par rapport à cela. Et comment on va remédier à cela? Ou comment, déjà, dès le départ, on va s'écarter de ces attributs-là et de ce qui peut naître dans le cœur de l'enfant? Tout simplement par un remède, un ultime remède. Un remède qui nous a été indiqué par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est l'adl ben al-awlad, et également l'adl qui est la justice, établir la justice entre les enfants, ou l'adl qui est l'affection, c'est-à-dire donner l'affection, la tendresse dont l'enfant il a besoin durant sa progression dans cette vie. Inan. On reviendra sur ces points-là qui sont importants, surtout l'affection, qui est un point très important par rapport à tarbiyah, par rapport à l'éducation, pour que l'enfant il puisse progresser, puisse grandir de la meilleure des façons et dans le meilleur des environnements. Une base par rapport à cela, et qui est l'adl ici, une des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également plusieurs hadiths que l'on verra ou que l'on va voir tout de suite. Mais cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit ittaqullah wa'dilu bayna awladikum, craignez Allah azza wa jalla, craignez Allah subhanahu, craignez Allah, wa'dilu bayna awladikum, et soyez juste et faites donc justice entre vos enfants. Ici bien entendu l'umum bayna awladikum, ça c'est l'umum. Et quand on dit l'umum, bien entendu, c'est un aspect général. Cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam prend son aspect qui est général ici, au niveau de la langue. Bayna awladikum. Donc, on va en déduire, et de façon claire et nette, qu'il n'y a pas de préférence. Pas de préférence, dans un premier temps, entre les filles et les garçons, et entre les garçons et les filles. Entre le garçon et la fille, il n'y a aucune préférence. Bayna al-dhakar wal-untha. Et la préférence qui a été faite, c'est celle qu'on trouvait du temps de la Jahiliya, la période anti-islamique. Avant que l'islam advienne, on trouvait que les gens, et plus particulièrement les Arabes, préféraient les garçons aux filles, au point même, Wallah al-Musta'an, où ils tuaient leurs filles, ils enterraient leurs filles. Et ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Nabi al-Rahma, le prophète de la miséricorde, est venu et établi la justice entre le garçon et entre la fille. Il nous a interdit, de par cette parole et de tous les hadiths que l'on va voir et que l'on a déjà vu, de faire préférence entre entre le garçon et la fille, ou la fille et le garçon. Et ça, c'est notre religion. Hada dinuna. Tout musulman, c'est ainsi que l'islam nous l'a enseigné. Et nous l'a même obligé. Wa'dilu. Hada amr minan nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet ordre-là qui a précédé de l'ordre de la taqwa, de la piété d'Allah azawajal, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même les salafs qui ont bien entendu suivi cette sunna du prophète sallam de la meilleure des façons et qui ont été des modèles pour nous, ils faisaient acte de justice, ils établissaient la justice, al-'adl, et l'équité entre leurs enfants jusqu'à al-qubla, c'est-à-dire le baiser. Lorsqu'ils embrassaient leurs enfants, ils les embrassaient tous de même, sans faire de différence. Enam, al-'adl, la justice. Et on sait que si l'enfant, et ça, ce sont des cas qui sont très courants, que si l'enfant il n'a pas cette justice-là, automatiquement il va naître en lui ce qu'on a cité au début, c'est-à-dire al-hasad, al-ghayra, al-hiqd, par rapport à ses frères ou alors à ses sœurs, suivant bien entendu les cas. Il va ressentir ensuite un complexe et ce sentiment d'injustice, inam, ce qui peut même être donc une cause de sa déviance. Wallah al-musta'an. C'est pour ça qu'on va insister sur ce point-là, l'adl. Et également, ce qui vient en parallèle, l'atf, donc l'affection. Et pour nous montrer les conséquences que ça peut avoir, cela, on va se rappeler une des histoires qui nous est contée dans le Coran par Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est bien sûr Qissatu Yusuf, le prophète Yusuf alayhi salam. L'adversité qu'il a connue de ses frères, et cette adversité-là qui naît donc de cette jalousie. Et pour bien se rappeler le contexte, c'est que Yusuf bien entendu était jeune, lui et son frère Benyamin. Ils étaient jeunes, enfants, alors que ses frères ils étaient grands. Et bien entendu par rapport à cela, lorsque l'enfant il est petit, ça demande plus d'intention, c'est-à-dire qu'on lui porte une intention qui est particulière pour un petit enfant, contrairement à celui déjà qui a grandi. Et ça c'est une chose qui est évidente, ça ne rentre pas bien entendu dans ce qui n'est pas propre à la justice ou ce qui est de l'injustice, non. Mais ici, bien entendu, ça va être ce hasad et ce voul, cette injustice qui est née donc dans le cœur des frères de Yusuf et qui était bien entendu insufflé par le shaitan, par le diable, wallah al-musta'an. Le shaitan les a fait s'imaginer qu'il préférait donc sous tous les points Yusuf, c'est-à-dire donc le père de Yusuf préférait Yusuf à tous ses autres frères, et ça sous tous les aspects, sous tous les points. Et lorsqu'on revoit donc les versets qui nous parlent de cela, lorsqu'Allah Azza wa Jal يقول لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. Il y avait certainement Joseph en Yusuf et ses frères des exhortations pour ceux qui s'interrogent. Donc bien entendu ceux qui s'interrogent, ceux qui se posent des questions, ceux qui essayent de comprendre. Il y a donc ici ribaru adilla, des preuves qui sont concrètes, et également il y a des leçons à en tirer de ce qui est arrivé. Pour tous ceux bien entendu qui veulent en tirer profit et qui savent tirer profit du Coran, non ceux qui lisent uniquement sans rien comprendre, ou alors ceux qui se détournent des versets du Coran. Là, dans ces versets, il y a des leçons à tirer et des preuves. إِذْ قَالُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ. Donc lorsqu'ils ont dit entre eux, إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوَ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Quand ceux-ci dirent, Joseph et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre père est vraiment dans un tort évident. اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي قوما صالحين. Tuez Joseph, ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre Père se tourne exclusivement vers vous, et que vous soyez après cela des gens du bien. Et regardez ici, dans ce verset, comment le shaitan est venu auprès d'eux. Regardez bien comment le shaitan est venu auprès d'eux. Il va tout simplement, comme nous le rappelle l'imam Sa'adi dans son tafsir, yani lorsqu'ils ont dit وَتَكُونُ مِنْ بَعْدِي قَوْمًا صَالِحِينَ أي تَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَتَسْتَغْفِرُونَ مِنْ بَعْدِ ذَنْبِكُمْ فَقَدَّمُوا الْعَزْمِ عَلَى التَّوْبَةِ قَبْلُ صُدُورَ الذَّنْبِ مِنْهُمْ تَسْهِيلًا لِفِعْلِهِ وَإِزَالَةِ لِشَنَاعَتِهِ وَتَنْشِيطًا مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ. Tout simplement, on va nous faire comprendre ici qu'à travers ce verset, et c'est une hila, bien entendu une ruse du shaitan, qui va tout simplement leur faire croire que déjà avant même de faire l'acte, ils vont avoir la ferme intention ensuite de revenir à Allah Azzawajal. Et cela afin que cet acte-là, cet acte odieux, soit allégé dans leur cœur. Et qu'ils puissent donc, par la suite, accomplir ce qu'ils ont rusé, ce qu'ils ont comploté entre eux. Wallah al-Musta'an. Donc regardez jusqu'où ça a été. Regardez jusqu'où ça a été cette injustice. Wallah al-Musta'an. Et dont Youssouf a été la victime. Et pour nous rappeler bien entendu cette justice qu'il doit faire, qu'il doit y avoir entre les enfants, on se rappelle un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith al-Nu'man ibn Bashir radiallahu ta'ala an, qui nous rappelle ce qui suit. A'tani abi a'tiyan, c'est-à-dire que mon père, il m'avait donné une chose, quelque chose en cadeau. فقالت أمي لا أربى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et donc, à partir de là, sa mère, lorsqu'elle a vu cela, qui lui avait donc donné à son fils, à Norman, sans qu'il donne donc à ses autres enfants, qu'est-ce qu'elle a dit, sa mère? لا أربى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Elle dit, je ne serai satisfait, je n'agrée cela donc jusqu'à que tu prends le prophète صلى الله عليه وسلم pour témoin. Donc de cet acte-là. فذهب أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لقد أعطيت ابني عطية فأمرتني أمه أن أشهدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et donc il lui a rappelé ce qui s'était passé, qu'il avait donné donc à son fils une simple donation, et donc que sa mère, la mère donc de Nu'man, avait demandé qu'il informe donc le prophète صلى الله عليه وسلم et qu'il le prenne pour témoin. Qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ataita as-sa'ira waladik mithla hadha, c'est-à-dire est-ce que tu as donné, va lui poser la question au prophète sallam, est-ce que tu as donné aux autres, au reste de tes enfants, la même chose que tu as donné donc à ton fils? Qala la. Il a donc dit non. Fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam i'dilu bayna awladikum. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallam donc? Faites justice entre vos enfants. Et ne me prends pas donc pour témoin. C'est-à-dire que je ne témoigne de ce qui est une injustice. Le jour qui est donc une injustice, qui est vulm, qui est donc une injustice. Subhanallah. Donc regardez, jusqu'à même dans ce qui est de donner, il faut qu'il y ait l'adl. On va s'apercevoir ici également que ceci ou ce hadith va concerner, et même s'il est général, il va concerner ce qu'on appelle l'adl al-hissi, c'est-à-dire donc cette justice qui va se faire donc par rapport à ce qui est des donations. Taïb. Mais il y a également l'adl al-ma'nawi, et on va le voir également dans ce hadith qui va venir ensuite. Non seulement donc l'adl al-hissi ou l'adl al-ma'nawi kadhalik. Donc l'adl al-ma'nawi qui va concerner donc la tendresse, l'affection, l'amusement, l'attention qui va être donc donnée aux enfants. Et donc ne pas pencher vers un autre, un enfant plus que vers un autre. De tenir compte et de faire attention également à leurs sentiments. Il faut donc faire attention à leurs sentiments. Et être attentif par rapport à cela. Parce que c'est une grande importance dans l'évolution de l'enfant durant sa prime jeunesse. Ce deuxième hadith qu'on va citer et qui va concerner ici l'adl al-ma'nawi, C'est un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui nous est rapporté par Anas, qu'il y avait un homme qui était auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faja'a ibnullah faqabbalahu wa ajlasahu ala fakhidhi. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme là lorsque son enfant il est venu, donc Ibn ici qui est bien le garçon, lorsqu'il est venu il l'a embrassé et ensuite il l'a pris, il l'a assis sur sa cuisse. Wajaat ibnatun la. Ensuite, sa fille elle est venue. Une de ses filles est venue. Fa'ajlasa bayna yaday. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a donc assis devant lui. Donc il ne l'a pas pris sur sa cuisse et il ne l'a pas embrassé. Quelle était la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a vu cela? Donc on voit bien ici que c'est ma'naoui ici. C'est-à-dire c'est une affection qui va être donnée. C'est une tendresse. C'est une intention qui va être portée à l'enfant. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا سويت بينهما. Cette remarque qu'il va lui faire. Pourquoi donc n'as-tu pas fait preuve d'équité entre les deux? C'est-à-dire comme tu as embrassé le garçon et comme tu l'as assis sur ta cuisse, pourquoi t'as pas fait pareil donc pour ta fille? Regardez cette remarque du prophète صلى الله عليه وسلم qui va tout simplement lui faire prendre conscience que cet acte-là c'est un acte d'injustice et que ce qui était demandé par rapport au shara, comme le met en évidence le prophète صلى الله عليه وسلم dans sa parole et dans cette situation, ce qui était demandé c'était la justice jusqu'à même l'Qubla et jusqu'à même donc l'attention qui avait prêtée à l'enfant. Inan, la fille elle va ressentir ce sentiment d'injustice, elle va ressentir en elle-même un sentiment comme un sentiment d'infériorité, et ça c'est très dur à vivre pour un enfant, car de par sa fitra, donc de par sa saine nature, l'enfant il a besoin de cette affection, il a besoin donc également de cette justice entre ses frères et entre ses sœurs. Un autre hadith également du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici qui va nous prouver l'importance de Al-Atf, qui va nous prouver donc l'importance de Al-Atf, parce que comme on a dit également donc Al-Adl, il y a également Al-Atf, donc l'affection, et de façon générale, donc cette affection qui doit être faite et qui doit être repartie entre les enfants, mais qui doit être donc présente, qui doit être donc présente. Et à travers ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça va être une leçon qui est donnée et un rappel qui va être donné aux pères qui sont froids et qui sont éloignés de leurs enfants. Enam. Regardez comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a agi avec les enfants. Dans un premier temps, ce hadith qui est général et qui est un témoignage de Anas radiallahu ta'ala an, qu'est-ce qu'il nous dit dans ce hadith rapporté par l'imam muslim? Ma ra'aytu ahadan kana arhama bil iyal. Je n'ai pas vu une personne, une personne qui était plus donc tendre, qui faisait plus preuve de miséricorde, qui était miséricordieux envers donc les enfants, c'est-à-dire donc les enfants, la famille de façon générale, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith également authentique, et hadith Usama ibn Zayd ibn Haritha, qui nous rappelle, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'khuduni fayuq'iduni ala fakhidi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était petit Usama, il le prenait, et il l'asseyait donc sur sa cuisse. Wa yuq'idu al-Hassan ibn Ali ala fakhidi al-akhar. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait également al-Hassan, le fils de Ali, donc son petit-fils, et il l'asseyait sur l'autre, sur son autre cuisse, et il les serrait auprès d'eux et il disait Allahumma arhamhuma, Allahumma arhamhuma, c'est-à-dire il demandait à Allah Azza wa Jal, il invoquait Allah Azza wa Jal de leur fasse miséricorde. Fa inni arhamhuma, pourquoi? Fa inni arhamhuma, moi je leur fais miséricorde. Oh mon Seigneur, fais leur miséricorde donc à eux deux. Fa inni arhamhuma, je leur fais miséricorde. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon générale avec tous les enfants, comme dans ce hadith où lorsqu'il visitait l'Ansar, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yazour l'Ansar, fa idha jaa dour l'Ansar, lorsqu'il venait donc auprès des quartiers des Ansar, jaa sibyan l'Ansar yadouruna hawla, donc venaient les enfants des Ansar et ils tournaient autour de lui, fa yad'ou lahum, alors il leur faisait des invocations, ويمسح رؤوسهم ويسلم عليهم. Et donc, il leur massait leur tête. Il passait donc sa main sur leur tête, sur leurs cheveux. ويسلم عليهم. Et il leur passait le salam. Ça, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait preuve donc d'une affection qui était débordante par rapport à ses petits-enfants et par rapport aux enfants de façon générale. Donc ça, c'est un modèle pour nous, sallallahu alayhi wa sallam, comment on doit se comporter et l'importance donc de l'affection que l'enfant il a besoin. Et combien d'enfants qui ont mal tourné plus tard, et ça beaucoup de docteurs le diront, combien d'enfants qui ont mal tourné quand ils sont devenus grands. Et lorsqu'on regarde comment ils ont vécu leur enfance, ils ont vécu une enfance où il n'y a eu aucune affection. Et ce manque d'affection, ou alors l'absence totale d'affection, ça a eu une influence directe sur leur comportement lorsqu'ils ont grandi ensuite. Et non, ça a été un manque. Donc ça, c'est pour ce qui est de la tendresse que l'on doit donner donc aux enfants, qui fait partie en réalité de leurs droits, et qui fait partie donc de l'éducation que doit suivre, que doit avoir et que doit recevoir l'enfant au niveau du din. Lorsqu'on a parlé de Al-Adl, lorsqu'on a parlé donc de la justice, on a vu que l'affection rentrait dans la justice, mais d'un point de vue ma'nawi. Il faut savoir, pour ce qui est de Al-Hissi, donc pour ce qui est des choses que l'on va donner directement, comme les cadeaux, etc., il faut savoir qu'il y a une différence à faire ici. Il y a certaines différences à faire pour bien comprendre le sujet. C'est-à-dire, lorsqu'on parle bien entendu de cadeau Atiya, comme on a vu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a ordonné le père de Nu'man ibn Bashir, donc le Bashir, lorsqu'il lui a ordonné d'être juste envers ses enfants par rapport au cadeau, etc., ça, c'est quelque chose qui est inévitable. Et c'est pour ça qu'on va voir dans une des versions également du hadith, et qui est une version également authentique, qu'est-ce qu'il va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça va nous faire prendre également de l'importance de l'égalité. Il va lui dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayasurruka an yakunu ilayka fil birri sawa faqala bala. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui faire comprendre et va lui faire prendre conscience de l'importance de l'adl. Il va lui dire, aimerais-tu qu'il soit donc dans la piété égaux, qu'ils soient donc tous égaux par rapport à la piété, que ce soit des enfants qui soient pieux et qui soient égaux dans cette piété là, dans ce niveau donc de piété là. Qu'est-ce qu'il va lui répondre? Bien entendu, bala, une chose qui est évidente, bien entendu. Donc regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis la relation entre le adl, donc par rapport à l'éducation, et avec al-birr, et avec donc cette piété. Enam. Parce qu'automatiquement, si l'enfant s'il voit devant ses yeux qu'il n'y a pas justice faite, on va faire préférence par rapport à lui, alors automatiquement, comme je l'ai dit, il peut y avoir un malaise en lui, c'est-à-dire un malaise affectif, etc. Et c'est ce qui va naître en lui, comme on a dit, le hasad dès le départ, enam. Et ça, tout simplement, ça va l'écarter, enam. Ça va l'écarter donc de cette piété-là. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cette remarque dans cette version authentique. Ayasurruka an yakunu ilayka fil birri sawa bala. Donc regardez l'importance de cette version du hadith et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va insister entre la relation qu'il y a entre al-birr ici. Donc comme on a dit, ça c'est donc pour les cadeaux, ce qu'on appelle atiya, etc., al-hadaya, etc., également donc l'affection. Mais pour ce qui est d'al-hissi, il faut savoir que il y a aussi un autre domaine ici qu'on va appeler de façon générale an-nafaqa. An-nafaqa. Et donc, qui est le fait de subvenir aux besoins des enfants. À partir de là, il peut y avoir des différences. À titre d'exemple, il se peut par exemple qu'un des enfants qui a par exemple une grande attirance pour la science et qui veut partir pour étudier, qui veut partir par exemple dans un autre pays pour étudier par exemple la science auprès des choix, etc. C'est un exemple qu'on va donner. Automatiquement, il va avoir besoin, cet enfant, à ce moment-là, nafaqa, il va avoir besoin donc qu'on lui donne de l'argent. Taïeb. Donc à ce moment-là, si le père il va lui donner donc cet argent, en plus donc des autres enfants qui eux peut-être vont rester à la maison, qui vont peut-être pas avoir la même direction, taïeb, alors à ce moment-là, le fait qu'il ait donné à cet enfant pour qu'il puisse étudier la science, qu'il lui a donné donc une nafaqa qui va être à lui, ça rentre pas dans, ou ça ne va pas à l'encontre de ce qu'on a appelé l'adl. Et ça, c'est un exemple. Il y a également d'autres exemples pour ce qui est donc de an-nafaqa. Également, an-nafaqa, dans la plupart des cas, an-nafaqa, c'est-à-dire subvenir aux besoins, ce dont a besoin le garçon, lorsqu'il grandit, va dans beaucoup de cas être plus importante que la fille. In'am. Dans beaucoup de cas, et dans beaucoup donc de sociétés, on va voir que l'enfant ou le garçon va avoir peut-être besoin plus d'argent par rapport à son propre besoin, etc. Donc, à la kulli hal, pour ce qui est de nafaqa, ça va être donc une donation qui va être faite suivant le besoin. Par contre, pour ce qui est de l'atiya, pour ce qui est de l'hadaya, pour ce qui est donc des cadeaux, pour ce qui est de l'affection, etc., c'est là où on doit appliquer cette justice. Donc, c'est le domaine d'application de cette justice. Et donc, le fait de dire, pour ce qui est de nafaqa, j'ai donné donc à cet enfant qui est parti étudier la science, je vais donner donc l'argent dont il avait besoin, je suis obligé de donner ce même argent aux autres enfants. Ici, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Ça a été suivant, bien entendu, le besoin. Donc ça, c'est une différence qu'il faut faire et qui est importante à comprendre pour bien donc appliquer et savoir le domaine d'application donc de cette justice. Également, conseil qu'on va donner pour l'application de cette justice, il faut savoir que, et ça c'est souvent le cas pour les enfants en bas âge, lorsque le père et la mère sont des nouveaux mariés, il se peut qu'ils ont déjà un enfant qui va venir directement à un autre enfant. Et ça, c'est important à savoir. C'est qu'il faut déjà faire comprendre à l'enfant, bien sûr par les moyens dont on dispose et par rapport à son niveau également, et lui faire ressentir qu'il va avoir un nouvel invité. Parce que lui, il va voir cela comme un nouvel invité, un invité étranger, et qui va être faqil, c'est-à-dire qui va être lourd pour lui lorsqu'il va arriver cet enfant. Et donc automatiquement, ça c'est min al-fitra, il va y avoir cette jalousie qui va naître en lui lorsqu'il va voir l'ihtimam, lorsqu'il va voir donc l'attention qui est portée donc à ce nouveau-né. Et donc une erreur à ne pas faire, c'est de ne pas ici, à ce moment-là, faire preuve de préférence et porter une grande attention au deuxième enfant. Enam, d'être très attentif par rapport à cela. Ça, c'est un conseil dans ce cas-là. Également, un des points qu'il faut prendre en compte, et qui sont des paroles, bien entendu, des savants qui sont spécialisés dans l'étude du comportement humain, etc., ils disent que la fille, elle est beaucoup plus jalouse que l'homme, et que ce degré de jalousie est encore plus important suivant son niveau d'intelligence. Enam, zaka. Plus elle est intelligente, et plus elle va être jalouse. Donc c'est également un point dont il faut faire attention. Et c'est pour ça, pour revenir donc, lorsqu'on a parlé du nouveau-né, avec le jeune enfant, qui est le deuxième donc, et qui est déjà présent, c'est pour ça qu'on va s'apercevoir, dans la plupart des cas, que les jumeaux, dans la plupart des cas, les jumeaux, qui naissent jumeaux donc, ils ne sont pas jaloux l'un de l'autre, subhanallah. Enam, ils ne sont pas jaloux l'un de l'autre, pour ce qui est des jumeaux. Également un point et un cas que l'on cite, et on donne un conseil par rapport à cela, c'est lorsque l'enfant il tombe malade. Enam, lorsque l'enfant il tombe malade, automatiquement, on va lui prêter les soins, on va lui porter une grande attention à cet enfant qui est malade, et peut-être on va oublier les autres. Et à ce moment-là, lui, l'autre enfant, il va avoir un œil qui est porté sur ce malade. Il aimerait tant être donc à ce moment-là malade. Donc c'est pour ça que, également ce que citent certains gens de science, c'est qu'il faut également être prudent à ce moment-là. C'est-à-dire que même si l'enfant il est malade, pour l'autre également, il faut lui faire preuve d'attention et pas lui faire ressentir que au moment où le frère ou la sœur sont tombés malades, alors on l'oublie totalement et on va uniquement se consacrer donc aux malades. Lorsqu'on a parlé donc d'affection, lorsqu'on a parlé de tendresse, etc., est-ce que ça veut dire que l'enfant il ne doit pas être corrigé? Est-ce que ça veut dire également qu'on n'a pas le droit ou qu'on doit délaisser la frappe, donc de frapper l'enfant et qu'on ne le frappe pas en cas de nécessité? Les savants, ils ont répondu par rapport à cela, pour ce qui est de l'enfant. Et que c'est un moyen, donc le fait de frapper l'enfant, le fait donc de frapper cet enfant-là, c'est un wasila, c'est-à-dire donc c'est un moyen d'éducation. C'est reconnu donc comme un moyen d'éducation, même par rapport au char, même par rapport à la religion, Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu dans le hadith, dans un des hadiths, où il nous dit wadribuhum alayha bil'ash, c'est-à-dire donc frappez-les par rapport à elle, donc par rapport à la prière, lorsqu'ils ont 10 ans. Lorsqu'ils ont 10 ans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en cas bien entendu de besoin, et on dit bien ici en cas de besoin, c'est-à-dire que cette darb, hadad darb, ça a été légiféré, le fait de frapper a été légiféré, donc mashrou', de par ce hadith, et de par d'autres noussous également, et parmi les noussous que l'on va citer, ce hadith, qui est un hadith hassan, rapporté par l'imam al-Tabarani, hadith ibn Abbas, et d'autres encore, il y a d'autres versions, d'autres hadiths, et d'autres sahabas, qui est un hadith hassan, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul, alliqu as-sawt haythu yarau ahlul bayt, fa innahu adabun lahum. Qu'est-ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Accrochez donc le fouet. Donc dans la maison, accrochez donc le fouet et le faire donc apparaître devant les gens de la maison. Et bien entendu, ici le maqsoud, précisément les enfants. Fa innahu adabun lahum. C'est quoi? C'est un adab pour eux. C'est-à-dire, ça va être un moyen d'éducation. Ça va être donc un moyen qu'ils soient sur le droit chemin. Enam. Lorsqu'ils voient donc cet avertissement qui est pendu au-dessus d'eux, lorsque le fouet il est rattaché. Alliqu as-sawta haythu yarau ahlul bayt, fa innahu adabun lahu. Adabun lahu. Si maintenant on parle de ad-darb, on parle donc, on sait que c'est légiféré. Et le point qui est important à savoir, c'est est-ce qu'il y a des ad-dawabit, est-ce qu'il y a donc des règles par rapport à cela. Des règles, il y en a, on va dire, qui sont générales. Mais en réalité, lorsqu'on veut appliquer cela à chaque enfant, alors on pourra. Pourquoi? Parce que les enfants, tous les enfants, ils ont tous un caractère qui va être différent. Ils vont avoir des caractéristiques, des attributs qui vont être propres à eux. Enam. Donc il va y avoir à certains moments où l'enfant, fi maslahati, dans son intérêt, qu'il soit frappé. D'autres, on va dire dans la même situation, qui ne sera ici pas frappé. Ou alors également, pour ce qui est de la frappe, ça va être suivant les situations. Dans une situation, ça va être profitable. Dans une autre situation, ça ne va pas être profitable. Enam. C'est pour ça que ça demande cela. Ça demande par rapport aux parents, ce qu'on appelle bu'd nazar. C'est-à-dire donc qu'ils aient un regard qui va loin. Qu'ils voient loin par rapport à cela. Un regard qui est profond. Au taqwallah, ça demande également la piété d'Allah Azzawajal. On va revenir donc par rapport à cela, à cette piété, pour ce qui est de Darb, à deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va voir également l'importance, subhanallah, l'importance que cela a. Lorsqu'on dit bien entendu Darb, c'est mashrou', c'est légiféré, ça ne veut pas dire bien entendu tous azimuts et comme bon nous semble, bien au contraire. Et également ça demande akhd al-asbab, c'est-à-dire qu'on prenne l'asbab pour ce qui est de cette voici-là, de ce moyen-là. Et donc lorsqu'on parle de ad-darb, il faut savoir qu'il y a des étapes, bien entendu. Ça, le premier point dont on peut traiter à ce sujet-là, c'est qu'il y a des étapes. La première étape, c'est de donner des directives et des avertissements. Tawjih, qabl ad-darb, enam. La budda min at-tawjihat, des directives, donc des avertissements. Lorsqu'on va donc lui donner un ordre à l'enfant, ou lui interdire quelque chose, il faut d'abord lui donner donc des directives. Et lui faire prendre conscience donc, que s'il n'obéit pas à cela, ou s'il ne s'abstient pas de faire cela, il faut lui mettre en évidence et lui éclaircir donc la mauvaise conséquence de cet acte-là. Sous al-aqiba. Également ça, c'est une étape par laquelle on doit passer. Et ensuite, l'autre étape, c'est l'avertissement. Donc l'avertir avant même de frapper, que s'il ne s'abstient pas de faire cela, ou s'il ne fait pas cela, alors, à ce moment-là, il sera frappé. Et on ne doit pas le faire donc de manière directe. Donc on voit bien qu'il y a des étapes à respecter par rapport à cela. Et ça c'est très important par rapport à l'éducation. Si l'enfant il est directement frappé, qu'est-ce qu'il va comprendre? Il va comprendre lui l'injustice. Alors que s'il y a eu toutes ces étapes qui ont été mises en place et qui ont été appliquées auparavant, il va se rendre compte au fond de lui-même que ça a bel et bien été une justice et que c'est un uquba, c'est-à-dire une sanction qu'il a méritée. Et c'est pour ça qu'à partir de là, et ça c'est un point qui est important également qu'on va et il faut insister dessus, c'est que la yajuz ad-darb qabl at-tamyiz, il n'est pas permis donc de frapper l'enfant avant qu'il différencie entre le bien et le mal. Enam. Ça également c'est un point ça peut rentrer donc également dans les règles qu'on va citer par rapport à Darb. Il n'est pas permis de frapper cet enfant-là qui lui ne fait même pas la différence entre le bien et le mal. Parce que tout simplement lui il ne va pas comprendre. Il n'aura aucune compréhension. Et donc ici, il n'y aura pas donc de faïda. Il n'y aura donc pas de quoi ? De bénéfice pour lui. Ça ne sera pas profitable. Parce que le but avant tout, comme on l'a dit lorsqu'on parle de wasila, c'est un moyen pour que ce soit profitable. S'il n'y a aucun profit par rapport à Darb, alors pourquoi l'utiliser ? Et il faut savoir, bien entendu, lorsqu'on parle de tamyiz, ça dépend suivant les enfants et suivant leur niveau d'intelligence. On voit que des enfants à l'âge déjà de 5 ans, ils ont un tamyiz qui est total. C'est-à-dire qu'ils différencient très très bien. D'autres à l'âge de 6 ans, d'autres encore plus tard. C'est suivant les cas, suivant les cas des enfants, suivant les catégories des enfants, etc. Et lorsqu'on a parlé donc de la dernière étape, et qui était donc Darb, après donc ces étapes qui ont précédé, il faut savoir qu'à ce moment-là, la yata akhar, au moment où il va dire je frappe, alors il faut qu'il frappe l'enfant. Il faut qu'il frappe donc l'enfant. Et il ne faut pas qu'il entende un long moment après. Il faut que ça soit direct. Ça également, c'est un point que l'on précise. Et qu'est-ce qui va advenir dans beaucoup de cas de l'enfant, comme on voit dans beaucoup de cas de figure, va se rattacher à son père ou à sa mère. Et va lui promettre à ce moment-là de ne plus revenir à son acte. Donc il va passer donc par cette issue qui va être affective. Ça également, ça va dépendre des cas. Si le père ou la mère, il cède à chaque fois, alors à ce moment-là, tout ce qui a précédé, ce n'a pas eu une grande valeur. Pourquoi ? Parce qu'il va le prendre, en fait comme un moyen, il va le prendre même, ça va même devenir un vice chez lui. Donc, il faut que la personne, elle applique cette frappe. Enam. Et si, bien entendu, dans le cas contraire, à chaque fois que l'enfant, donc, il va demander donc le pardon, il va se rattacher à son père ou à sa mère, etc. Si dans le cas contraire, à chaque fois on va le taper, on ne va pas laisser de temps en temps le fait qu'on va donc passer sur cette fois-ci, alors dans l'autre cas, qu'est-ce qui va devenir chez l'enfant ? Il va désespérer donc de la miséricorde de ses parents. Il va donc désespérer de cette miséricorde-là. Donc il faut toujours laisser, comme on dit, un moment de miséricorde. Mais également, il faut laisser ce moment également de châtiment. Il faut donc savoir faire le juste milieu entre les deux. Et un point qui est fondamental également, et là on va revenir à la violence de certains parents, Wallah al-Musta'an. Lorsqu'on parle bien entendu de darb, il faut que ça soit tempéré. Il faut qu'il y ait une retenue par rapport à cela. Ce n'est pas le but de faire très mal à l'enfant. Simplement le but c'est qu'il comprenne. C'est qu'il y ait une compréhension. Et qu'il sente qu'il y a ici un châtiment. Et que celui qui dépasse les limites, il a donc affaire à cette sanction-là. C'est ça le but. Et donc, faire très attention par rapport au père, à titre d'exemple. Ou également ça peut être le cas de la mère lorsqu'ils sont très nerveux. Et on voit certains, Wallah al-Musta'an, lorsqu'il frappe son enfant, c'est plus une frappe, mais c'est vraiment la destruction, subhanallah. C'est-à-dire une frappe qui est très violente, Wallah al-Musta'an, et qui dépasse donc toutes les limites. Si le père, il ne peut, de par son caractère très nerveux, il a peur donc de dépasser les limites, alors il laisse faire cette fonction à la mère. Et vice-versa. Si la mère, elle est pareille par rapport à l'enfant, alors c'est le père qui doit le faire. Et ne pas dépasser les limites. Et se rappeler deux hadiths qu'on va ensuite citer. Le premier hadith, c'est le suivant. Hadith Abi Mas'ud al-Badri, radiyallahu ta'ala an, yaqul, darabtu ghulaman bis-sawt. J'ai frappé donc un jeune enfant avec le fouet. Fasami'tu sawtan min khalfi. Donc regardez, il a entendu une voix de derrière lui. فَإِذَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ. Et à ce moment-là, il a vu le prophète صلى الله عليه وسلم, il a entendu dire le prophète صلى الله عليه وسلم, اِعْلَمْ يَا أَبَا مَسْعُودِ. Sache, Abu Mas'ud, أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ. Sache qu'Allah عَزَوْ جَلْ est plus puissant sur toi que toi sur ce غلام. سبحان الله. اِعْلَمْ يَا أَبَا مَسْعُودِ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ. Regardez donc comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam va le rappeler ici à l'ordre et par rapport à cet acte. Inam. Donc ici on est bien dans ce qu'on appelle le darb. Et se rappeler donc ici qu'il y a bel et bien des limites. Même si c'est légiféré, qu'il n'y a des limites à dépasser. Également un autre hadith. Un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed ou l'imam al-Tirmidhi. Qui est un hadith authentique. et qu'une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a informé qu'il avait donc des servants, des esclaves. Innali mamlukin yukadhibunani wa yakdhibunani wa yakhununani wa yasunani wa ashtumhum wa dribuhum fa kayfa ana minhum. Donc qu'est-ce qu'il leur a informé? Il leur a informé qu'il leur mentait, donc qu'il mentait à cette personne-là et qu'il le trahissait et qu'il désobéissait donc aux ordres qu'il lui donnait. Alors qu'est-ce qu'il faisait lui en compensation ou en réponse à ces actes-là? Il les insultait et il les frappait. Donc il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est sa situation donc par rapport à eux. Kayfa ana minhum. Donc regardez comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va lui répondre. Ça c'est dans le cas donc de ses esclaves. C'est dans le cas de tous ceux qui ont une faiblesse par rapport à l'autre. Et donc ici encore, à plus forte raison, des enfants. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك أو كذبوك. Lorsqu'il y aura le jour du jugement, lorsqu'il y aura le jour du jugement, on va faire des comptes par rapport donc à leur trahison, par rapport à leur désobéissance, par rapport à leur mensonge envers toi. وعقابك إياهم بقدر ذنوبهم. Et ensuite donc voir quelle était la sanction par rapport donc à leur péché, à ces péchés-là. فإذا كان, donc s'il y a eu cette sanction qui a été en compensation et donc au même niveau de ces péchés-là, كان كفافا لا لك ولا عليك. Donc ce sera donc égalité, il n'y aura rien par rapport à toi et rien par rapport à eux. Pourquoi? Parce qu'il y aurait eu justice qui aurait été faite d'ici-bas. وَإِنْ كَانَ عِقَابُكْ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضْلًا لَكْ. C'est-à-dire que si, au contraire, leur péché était plus important donc, et que donc ta sanction était moins importante que le degré de leur péché, alors ceci reste pour toi. Donc c'est une compensation en plus pour toi. Pourquoi? Parce qu'ils t'auront fait donc, ils auront commis des péchés par rapport à toi. Par contre, وَإِنْ كَانَ عِقَابُكْ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ اُقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلِ. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là alors? Alors on va tout simplement prendre de toi ce que tu leur as fait en plus, c'est-à-dire lorsque la sanction a dépassé ces péchés-là. Regardez. Donc ici, اقتصاص, donc ici tout simplement des comptes qui vont être rendus par rapport à ce qu'il a fait. De même donc par rapport à l'enfant, s'il est madloum, si donc il est, on lui a fait injustice, il est opprimé de par donc les frappes de ses parents et la violence qu'il va connaître de ses parents. Wallah al-musta'an. Qu'est-ce qu'il a fait la personne à ce moment-là lorsqu'elle a entendu ça du prophète Sam? Elle a pleuré. Ce sahabi, il a pleuré. Et il a dit, ushiduka annahum kullum ahrar. Je te prends comme témoin qu'ils sont tous affranchis, tous libres. Donc il les a tous affranchis lorsqu'il a entendu cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça demande également, lorsqu'on parle de darb, ça demande de la taqwa envers Allah azawajal, et de connaître donc les limites, et de prendre cela comme un simple wasila, comme un simple moyen d'éducation, rien d'autre, rien d'autre, et non un moyen de violence sur la personne faible. Subhanakallahu wa bihamdika, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.